Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Niko nemisalimia nini wote mangaribi mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je salue aussi les frères qui nous suivent en ligne. Nasalimia tena wanduku wetufuata kumtandao. Les frères bienvenus Kasongo. Nduku bienvenue Kasongo. Le frère Josué Mulaja. Nduku Josué Mulaja. Et le frère Josué Ilunga de Swambo. Na nduku Josué Ilunga kuswambo. Et le frère Isaac Kembo. Nduku Isaac Kembo. De Durba. Wa Kudurba. Ainsi que le frère Elise Ndonji. Pamoya na nduku Elise Ndonji. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Bote baniomba nipate kumsalimia mujina la Yesu Kristo. Ma fiancée aussi vous a salué au nom de Jésus-Christ. Uchumba wangu na yamisalimia mujina Yesu Kristo. Nani kijari, oh najua lifi, najua lifi cha, oh atasioni, atasioni. Dieu notre Père. Encore une fois, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton secours. Ton notre Père, tu ne nous as jamais abandonnés. Même si nous traversons des moments difficiles, toi Dieu, tu as toujours été avec nous. Merci pour tout. Nous voici, nous voulons lire ta parole. Nous ne savons pas comment l'interpréter. Toi-même descends, interprète ta parole. Que nous soyons bénis du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons. Genèse 24 et 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, wakamwambia Rebecca, wakambariki na kumwambia, oh notre sœur, oh dada yetu, puisses-tu devenir des milliers de milliards, upate kuya mama wa kizazi kinene, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis, na uzao yako upate kushika mulango wa adui wake, et Dieu bénisse la lecture de sa parole, Mungu abariki usomi wa neno, et vous asseoir, upate kukala, possédant les portes de l'ennemi. Mwenye kushika mulango ya adui. Hier, on n'avait pas fini. Jana tukumalize. On disait tulianza kusema que nous ne pouvons pas posséder les portes de l'ennemi. Ya kwamba hatuwezi kushika mlango ya adui. Nous ne pouvons pas avoir les promesses de Dieu. Hatuwezi kupata malako ya Mungu. Si nous ne réussissons pas les tests. Kama hatuwezi kipimo. Pour que Dieu puisse vous confier la promesse, il doit d'abord te faire passer par les tests. Comme il a testé testé Abraham. Sa vile arumpima Ibrahim. Abraham a été testé. Abraham il a naibarumpima. Et j'aime bien Nehemi. Nami na penda mzuri Nehemi. Nehemi témoigne Nehemi. Abraham. Ego na shudia mzuri Ibrahim. C'est dans Nehemi 9. Nehemia tisa. Écoutez ce qu'il dit. Mushike vile unasema. Nehemi chapitre 9 verset 7. Nehemi tisa musaki ya saba. C'est toi éternel Dieu. Sema ni wewe wa milele Mungu. Qui a choisi Abraham. Ulichakula Abraham. Qui l'a fait sortir d'Ur. Na ori mutosha. En Chaldée. Udi kwenda ku Chaldée. Et qui lui a donné le nom d'Abraham. Na ulimpacha jina ya Ibrahimu. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Uliona kwamba moyo wake ni kunyoloka mbele yako. Abraham était fidèle. Abraham alikuwa mwaminifu. Même quand tout n'allait pas bien. Hata mwakati bitu byote bikubibaya. Abraham restait toujours Abraham fidèle. Alikuwa mwabakia pa mwaminifu. Quand tout allait bien. Bale bitu byote bikubibaya. Il était fidèle à Dieu. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Quand tout n'allait pas bien. Mwakati bitu byote bikubibaya. Il restait fidèle à Dieu. Alibakia paka mwaminifu kwa Mungu. Abraham n'a jamais failli dans sa foi. Mwimani yake ayangukaka. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Baba wa imani. Dieu l'a trouvé fidèle. Alimuona kusema huyu ni mwaminifu. Bala namuita. Il avait appelé. Alikuwa mwaminifu. Bala napita mumagumu. Il a traversé dans des fidèles. Il était toujours fidèle. Dieu l'a éprouvé. Alimupima. Il l'a trouvé. Alimuona ya kwamba alipaka mwaminifu. Quand Dieu t'éprouve aussi. Wakati Mungu naye anakupima. Il doit t'éprouver fidèle. Anapaswa na kuona kwamba uko mwaminifu. Mais aujourd'hui, nous sommes wakati vitu yote vinaendeka mzuri. Kama bina complicate, les choses essaient de compliquer un peu. Nous abandonnons la chrétienté. À l'église, nous n'allons pas venir. S'il y a des activités à l'église, nous n'allons pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas donné telle chose. Est-ce que vous faites de retourner avec Dieu? Dieu doit nous tester. Mungu anapasha kutupitia mubipimo. Chacun de nous. Kila moja wetu. Il doit passer par le test de Dieu. Kupitia mukipimo wa Mungu. C'est la vérité. Kweli. Écoutez mes frères et sœurs. Sikie wanduku na wadada. Disons le frère Branham. Tumsome kwa wanduku kana. Dans cette prédication possédant les portes de l'ennemi. Uyima ubiri mwenye ushika mlango wa adui. Page 3. Kapasi yake ya 3. Paragraphe 9. Nota yake ya 9. Écoutez, il dit, Dieu avait testé les patriarches. Babu, Mungu alipitia mkipimo. Le mot. Babu. Parce qu'il lui avait fait une promesse. Sababu anampatia malaku. Il parle d'Abraham. On a sema njoo Ibrahim. Dieu lui a fait des promesses. Mungu anampatia malaku. Mais il doit passer par les tests. Lakini mbele ya ile malaku ifike apache kupita mkipimo. Njoo anini. Et lorsque Dieu fait une promesse. Wakati Mungu analeta malaku. Il veut être sûr. On apenda kuhakikisha. Que cette personne. Ya kusema huyu mtu. Est digne de la promesse. Anastahili kupata hii malaku. Ah, anapaswa kukupima. Il doit aussi te faire passer par les tests. Tu es digne. C'est la vérité. Nukweli. C'est lui qui est digne de la promesse de Dieu. Mungu. Ni pas kaula na weza ka test ya Mungu. C'est lui qui passe les tests de Dieu. Kama una ici, si moi, tu échoues les tests, tu n'es pas digne. Tu sema haustahili kwa malaku. Les promesses de Dieu malaku ya Mungu. Ne t'appartiennent pas. Aina yako. Abraham a été testé. Ba Abraham barumpima. C'est la vérité. Nukweli. Il veut être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir. Avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que par sa postérité, le monde entier serait béni, qu'il aurait un fils et que de ses fils sortirait une semence qui bénirait la terre entière. Et Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui fut donnée. Et Sarah, sa femme, en avait 65. Mais la Bible nous dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité. au sujet de la promesse de Dieu. Mais qu'il fût fortifié. Donnant la louange à Dieu. Et Dieu l'a détesté. Alléluia. Amen. Même ce soir, Dieu doit te tester. Il n'y a jamais eu aucun enfant de Dieu qui n'est pas passé par les tests de Dieu. Si tu appelles l'enfant de Dieu, il doit passer par les tests. On a pas à couper à mon kipimo. Dieu l'avait testé. Mungu are mpima. Mente et mente fois. Mara mingi. Mais voici. Metazame. Il en était arrivé. Arifikia. Au test final. Kipimo wa mwisho. Avant la bénédiction. Mbele ya baraka. Et il en va de même. Na iko vile vile vile. Pour toute la semence d'Abraham. Kwa mbeko yote ya Ibrahimu. Dieu nous donne ce test final. Mungu anatupatia kipimo ya mwisho. Si tu es la semence d'Abraham. Kama na wewe uko mbeko ya Ibrahimu. Dieu te donnera aussi ce test final. Atakupitisha na wewe kipimo ya mwisho. Mula mukipimo. Dans ce test. On a pas kusimama imara. Tu dois rester ferme. C'est la vérité. Mkweli. Si tu n'as pas kuimba. N'est-ce pas nous venons de chanter. Même si je suis tenté. Les tentations viendront. Mais lorsque les tentations arrivent, nous n'avons pas manqué de refuge. Même si je suis tenté, je sais que je serai caché. Même si je ne vois pas la joie, même la consolation, mais j'ai quand même où me réfugier. C'est la vérité. Mkweli. Nous passons par les tests. Pitié, mais n'oubliez pas. Mais ushisabwe. Le secours est là. Usada ikuaku. N'oubliez pas. Ushisabwe. C'est la vérité, mes frères. Nous quoi nduku. Notre test, c'est bien. Anaku testé. Il va te tester. Et il te dit si ça te dépasse, il y a un refuge. Na kimbilia Yesu. Et je cours à Jésus. Et lorsque j'arrive là-bas, ça va basculer. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Chaque enfant d'Abraham. Il a mutoto Ibrahim. Chaque semence d'Abraham. Il a mbeko Ibrahim. Doit passer par les tests. Il n'a pas cha kupitia mukipimo. C'est vrai, mes frères. Ya kweli banduku yangu. Juste avant de nous donner la promesse, si c'était possible, j'aimerais dire ici quelque chose de personnel. Mais je ne le ferai pas. C'est le test final pour voir comment vous allez réagir à cela. Lorsqu'il eut soumis Abraham à ce test, il le trouva tout aussi fidèle. Alléluia. Quand il a appelé, il a trouvé fidèle. Quand il a fait passer par les tests, il a trouvé fidèle. Maintenant, quand Dieu t'a appelé, tu étais fidèle. Maintenant, au moment où les épreuves arrivent, ça c'est compliqué. Maintenant, il a trouvé aussi fidèle qu'au début. Mwanzo. Quelle bénédiction. C'est baraka kani. Ce serait ce matin. Itakuwa ya asubuhi mangali. Si nous. Yulu yetu. Qui prenons sa promesse de guérison. Benye tunabeba malako yake matunzo. Nous pouvions y rester. Tunaweza kubakia. Tout aussi fidèle. Paka vile waaminifu. Que lorsque nous nous sommes tenus ici. Kushindia ile wakati tulikuwa kushimama kukumbele kwa madhabahu. Na kumwichika. Wache le message. Hata vile bamunganga bana nasema. Que nous y restions. Si tutabakilia pale. Tout aussi fidèle. Baka waaminifu. Abraham. Abraham. Dieu l'a testé. Mungu apicha kipimo. Il l'a trouvé fidèle. Alipatikana mwaminifu. Quand Dieu te teste aussi. Wakati Mungu naona kupima. Il doit te trouver fidèle. Anapashi kukuona sema huko waaminifu. Il a traité, il a testé aussi Israël. Anapima na Israël. Anabatosha mu Egypte. Ils ont fait quitter de l'Égypte. Anasema Moïse. Il a dit Moïse. Wende mu désert. Vous allez passer par le désert. Ils sont passés par le désert. Anapitia mu désert. Écoutez. Mushiki. C'est dans Exode 15. Kutoka kumi na tano. Je lis Exode 15. Nasoma kutoka kumi na tano. Il y a beaucoup d'écritures, mais je lis seulement ça. Umandiko amini Israël. Nasoma ile juu ya Israël. Il dit 15, 23. Makumbi na tatu. Ils arrivèrent à Mara. Wakafika pale pa Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau. Lakini hawezi tena kunywa maji. L'eau de Mara. Parce qu'elle était amère. Sababu ilikuwa ya uchungu le maya pale. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Joko bana ile fasi baliita sema Mara. Banenda fasi wao banakuta mai. Kata rivia ina ndoa. Banapiga kunywa mai. Mais ils ont essayé de goûter. Mai ya uchungu. L'eau était amère. C'était un test. Ilikuwa ni kipimo. Au lieu ya boku sema na douceur. On est de parler avec douceur dans Paul et Hôte. 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant. Kusema chini chini njua Moïse ngusema. Que boirons-nous? Sasa patakunywa nini? Moïse tutakunywa sasa nini wewe? Que boirons-nous mena Moïse? Wewe unakuwa kutuisha huko. Tu es venu nous faire tuer. Ils ont commencé à murmurer. Wanaanza kusema sebe. Pole unapatana kamambo kaloko. Wakati tu as un petit problème. Unaanza kusema ganya. Unaanza parler. Unasema ganya nini? Tu parles autre pourquoi? C'est Dieu qui le testait. Ni Mungu ndio anawapitia mkipimo. Ils ont échoué. Eh manashinda pale. Wanaanza kumirimire. Moïse tutakunwa nini? Moïse ke boro. Moïse cria à l'Éternel. Musa kamlamkia wa milele. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Na wamelaka kama ingia fasi ya kunya. Qu'il jeta dans l'eau. Na katupa mai. Et l'eau devint douce. Na mai ikatoka ekwa. Na ni pale. Que l'Éternel donna au peuple de loi. Et des ordonnances. Et ce fil-là, qui l'a mis à l'épreuve. C'est Dieu lui-même qui nous éprouve. Et il nous éprouve avec raison. Deutéronome. Deutéronome 8. Écoutez ce qu'il dit. Je suis là, Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Na mupate kushika ile inchi wa milele la pa kupatia babu zenu. Mena écoutez. Mushike sasa. Deux. Souviens-toi. Umukumbuke. De tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Il est pendant ces 40 années dans le désert. Safari yote amela kufansisha kadiri ya miaka 40 mujangwa. OK. Afin de t'humilier. Dieu a kukushusha et de t'éprouver. Na kukupima. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous éprouve, Mungu c'est pour nous humilier aussi. Ya kutushusha na chie. C'est que Mungu anapendaka. Ayote tukuye ko karibu naye. Que nous soyons à kama côté de lui. Kama nono nekala mukuisteke sana. Tu es resté pendant longtemps. Anasema chambele ni mutengese. Attendez, je vais lui secouer un peu. Il va te secouer. Unarudia kumagoti kulo sabwa. Tu vas rentrer à genoux là où tu avais oublié. C'est la vérité. Mkweli. J'aime ça. Mungu anapendaka vile. Mungu anapendaka saa yote tuko na muomba. Aime que nous puissions prier chaque fois. Dieu Mungu veut que nous puissions tous comprendre. Que nous dépendons totalement de lui. Yetu yote ni yeye. Que sans lui. Nasema bila yeye. Nous ne pouvons rien faire. Ah tutafanyaka kitu hata kimoya. Alors il nous teste à nous tenter ça. Il va te secouer. Et lorsque tu vois que les choses compliquent, tu vas oublier ton intelligence. Tu vas oublier ta force et tu diras, je pars chez mon voilà Dieu. Ce que Dieu, Dieu il est Mungu anapenda. Le test, ah, c'est pour notre bien. Ni bijo abizuri et quand l'épreuve arrive, na wakati kipimo yenyewe nafika, elle travaille pour mon bien. Inatumika ni njoo abizuri biangu. Elle fortifie ma foi. Sababu natia nguvu imani yangu. Les épreuves nous approchent encore de Dieu. Inekaraka zaidi na Mungu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. Anamunisha Moise. Ili ya Moise. Ale mugia ukyo. Aye tourne. Mwende kia uko. Ale par ici. Banenda frère. Et ils ont emprunté le chemin. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Alléluia. Et qu'on a coupé ma. Il va t'épouser où est son cœur et comment. Est-ce que même dans la souffrance, il restera fidèle à moi. Pourquoi la caca est chimbé la caca est en plus? Si tu travailles, on va te licencier. Qui ça va nous proposer ma bintuingi? Et puis on vient te proposer autre chose. Ah, parle de Dieu, on a imani ya quoi? Là, c'est là que nous allons voir. Comment on a bâti à fidèle? Si tu restes fidèle, j'ai dit, ok. Voilà, c'est mal là, ça va. Ça y vient, na waza mui test. Il a passé les tests. Je vais ajouter encore d'autres tests. C'est la vérité, mes frères. Pour les bandoukou. C'est lui-même qui fait ce test. Je n'ai pas fait équipe. Il dit trois. Tatu. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Écoutez, soit. Qui l'a fait souffrir? Dieu. Lui, il laisse la souffrance arriver. La souffrance va t'abattre. Et tu te regardes, tu te trouves comme un orphelin. Il est là. Et quoi, quoi? C'est la vérité, mon frère. Oui. Lorsque vous traversez des épreuves, n'abandonnez jamais. C'est le temps de t'approcher de plus en plus de Dieu. C'est la vérité. Nous sommes lorsque les problèmes arrivent, le malheur nous arrive. Il y a deux choses à faire. Soit ni c'est. Je suis puni ou soit c'est le premier. Lorsque le fruit arrive, c'est parce que moi j'ai péché. Quand tu pèches, je te pardonne, mais il doit te fouetter. C'est la vérité. Il va te pardonner, c'est vrai, il t'a pardonné. Mais il va te châtier. T'es na bien. Et correctement. Et lorsque je me regarde, je n'ai pas péché, je suis correct avec mon Dieu. Ah, mina elewa, ça, ce sont des tests. C'est Dieu qui laisse, qui ordonne. Comme c'est lui qui ordonne ça, il va s'ouvrir, c'est même une petite brèche par où sortir. Il donne les épreuves et il va ouvrir encore la brèche par où sortir. Il n'est pas comme un homme. Anasamutu. Lui, il est Dieu. Yeni Mungu. Riche en miséricorde. Mutajiri katika rehema. Ah. Baba Yetu. Notre Père. Bwana Yetu si. Notre Seigneur. Mungu Mumbaji Wetu. Dieu Créateur. Il t'a humilié. Alikufezere. Il t'a fait souffrir. Alikutesu. De la faim. Nanjala. Nanjala. De la faim. Eh frère, mon Christ, toi, il a là que Nanjala. Oh, chrétien, ne peut jamais dormir en famille. Tu mens. Abraham. Abraham. Arujiza Kabibi Njui Nanjala. Il avait vendu même sa femme à cause de la famine. Tu ne sais pas. Hein? Tu ne le savais pas. C'est à cause de la famine. À cause de la famine. Quoi dire Nanjala? Il a quitté Palestine. Il a tout cambé le Palestine. Il quittait Cana. Il avait des anouilles. Abraham. Abraham. Lui aussi, il fouillait. Il notre quittait d'abord. Cana, c'est la parole. Si tu es en France, ne quitte pas la parole. Si tu quittes la parole, tu auras beaucoup d'anouilles. C'est la vérité. Nukweli. Il avait aussi la famine. Frappé par la famille de Sarah. Dès qu'on te pose la question, je suis ton mari. Il faut dire non, hein, je ne suis pas ton mari. Tu vas me faire tuer là-bas. Je suis ton grand frère. Là. On lui a donné même la note, il a bouffé. Il a vendu sa femme. Les choses de Dieu, c'est tellement bon. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'on ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tous ceux qui sont dans la bouche de l'éternel. C'est la vérité. Pèse par tes efforts, Mangoufou. Impossible, tu échoues. Il veut que tu puisses l'invoquer. Lui qui va terminer le problème, qu'il entre sur scène. C'est alors que tu vas dire, c'est à cause de l'Éternel. C'est la vérité. Nous quoi? Nous sommes aussi. C'est Dieu qui nous fait passer par des tests. Psaume 66. Zaburi makumi sita na écoutez ce qu'il dit. 66. Makumi sita na sita. On prend 8. Trouvez mon ami. Peuple. Taïf. Béni ou loué soit l'Éternel notre Dieu. Comme si vous m'ouvriez tout. Faites retentir sa louange. Pour dire ceci, Fayaki. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied s'en cela. Na ashikurusu mukulu yetu anza kutetemeka tetemeka. Écoutez maintenant dit ça. Mushika sakumi. Car Kwani? Tu nous as éprouvé. Sababu uritupima. Tu nous as éprouvé. Nani mwenye tupima? Dieu. Mungu. Tu nous as éprouvé, oh Dieu. Oh Mungu uritupima. Tu nous as fait passer au creuset. Comme l'argent. Tu nous as amenés dans les filets. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu. Et par l'eau. Qui nous a fait passer par là? Lui-même. Il nous fait passer par ce chemin. Par le chemin difficile. Il est en train de t'éprouver. Parce que tu es haut. Tu es de l'or. On doit t'éprouver. C'est la vérité. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Écoutez, mais tu nous en as tiré. Pour nous donner l'abondance. Alléluia. Amen. Tu nous as fait passer par le feu et par l'eau. Mais il y a là-bas. Pas seulement par le feu. Il y a aussi les mains. Le feu, oui. Mais tu nous as tiré. Il a permis que Shadrach, Meshach, Abednego puissent être jetés dans le feu. Baba tupe mumoto. Banabatupa. On les a jetés dans le feu. Banabatu. Même devant la mort, ils sont restés fidèles. Fidèles, frère. Où le Mungu à Shadrach? Le Dieu là de Shadrach, Meshach, Abednego. Et Abednego, n'est-ce pas ton Dieu à toi? La foi que eux avaient, n'est-ce pas, c'est la même foi que tu as aussi. La kiri shukweli. Comment toi tu l'as vu devant un problème? Comment ça? Dieu t'a formé avec quoi? Dieu t'a formé avec quoi? Mungu wa kutunga na nini? Alikumba na nini? Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Devant le feu. Bele amoto. Fidèle. Bamilifu. Shadrach, mettez-vous à genoux. Ou sinon, sinon, on va vous tuer. On va vous jeter là-bas. Eh, roi. Mais c'est au roi. Sache une chose. Oui, oui, qui tu m'as. Nous là. Nous là. Nous avons notre Dieu. Et qu'on a oué de nous délivrer entre tes mains et même dans la fournaise. Même s'il ne te délivre pas, mais tu ne sais pas. Sache-le, ton Dieu là, nous n'allons pas adorer. Même si je mourrais avec la maladie, mon Gouyana Bakia Munganga Mukubwa. Même si je mourais pauvre, c'est la vérité. La kiri s'il ne me donne pas aujourd'hui l'argent, il n'a pas. Frank, s'il ne me donne pas l'argent, mais il m'a donné les ailes. S'il ne me donne pas l'argent, il m'a donné la force de prière. Dieu nous donne toujours quelque chose. Regardez-vous très bien. Vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Il est Mungu alikupa. La vérité, frère. C'est vrai. Nous quoi? C'est très bien. C'est très bon. Possédant les portes de l'ennemi. Dieu ne nous refuse pas tout. Non, il ne nous refuse pas tout. C'est faux. Si le païen, tu ne connais même pas Dieu, Dieu leur donné la même le bien. Il les a donné l'argent. Il les a donné les bonnes santé. Ils n'ont même pas les efforts qu'ils sont en train de fournir. Mais Dieu les a donné quand même. Maintenant, toi. La vérité. Nous quoi? Il nous fait penser par et les épreuves. Mes frères et sœurs, la souffrance, la famine est là. Les douleurs. Nous en avons. Mais il y a une chose. Mais quoi que tu m'aies. L'abandon. L'abandon, non. La souffrance, nous souffrons. Mais l'abandon, nous ne sommes pas abandonnés. C'est la vérité. Nous quoi? Les épreuves sont là. Mais l'abandon. Mais quoi tu lis? Ah oui. Ah, il nous a pas laissé. On a exalté. Aïe nako, aïe toi tu lis. Il nous a pas abandonné. Adieu. Aïe karaké quoi tu lis? Ma tête soit à la souffrance. Il va nous faire passer. Dans la fée, nous passerons. Dans la famille, nous allons passer. Dans la nudité, nous allons passer. Manquer l'emploi, manquer d'argent, nous pouvons le faire. Le mariage peut manquer, même abandonné. Non. Il ne peut jamais t'abandonner. C'est la vérité. Nous quoi? Oh, c'est merveilleux ça. Yadamani. Un Dieu pareil. Bon, même si la souffrance arrivait, d'accord. C'est quel genre de souffrance qui dépasse la grandeur de notre Dieu. Regardez le nombre de bontés que Dieu a déjà fait pour toi. Est-ce que ça mérite, ça peut égaler et ça peut égaler à la souffrance par laquelle tu traverses? Si vous regardez bien, vous verrez le bonté de l'Éternel dépasse la souffrance. C'est la vérité. Nous quoi? On peut tout avoir. Tout les coups, pas la souffrance. Mathès. La nudité. Pourquoi ça m'avance? Tout. La famine. Djala. Tout. Biote. Mais biote. L'abandon. Mais la kiri quoi chiliwa? Apana. Si quoi chiliwa? Je n'ai jamais été resté seul. Malina. Je n'ai jamais laissé loin de Dieu. Loin de, pas loin de Dieu. Maïm. Loin de l'espérance. Alléluia. Vous écoutez? Loin de l'espérance. L'espérance n'est pas loin. Il est juste à côté. Il nous fait passer par les épreuves. Écoutez. Mais il ne nous abandonne pas. Les épreuves, oui. Mais l'abandon. Non. C'est pourquoi j'aime David. Disons ça. On a toujours parlé de ça. Mais je vais lire ça. C'est psaume 37. Écoutez. Psaume 37. 25. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu les justes. David, pose la question à David. Est-ce que tu as vu un juste dormir affamé? Il te dira oui. Est-ce que tu as vu un juste manqué de vêtements? Oui. Est-ce que tu as vu le juste manqué d'argent? Il te répondra oui. Mais non. Est-ce que avez-vous vu un juste abandonné? Non. Jamais. Kamwe. Dieu ne nous abandonnera jamais. Tais-toi, Chiriaka Kamwe. Ou reste quoi, malaria? Tu peux être malade. Tout le monde peut t'abandonner. Tu commences à dégager l'odeur. Mais ses frères ont dit, Seigneur, n'allez pas là-bas. Tout-puissant. Mais l'ami fidèle. Ou Rafiki Mouemba. Ici, c'est mon ami. Vous l'abandonnez. Mais moi, non. Mais c'est la vérité. Nous quoi? Il peut laisser les problèmes. Batouba tu en quoi? Même l'église. Attaque Alice Aïe. Je suis proche du pasteur. Un jour le pasteur peut t'abandonner. Parce que lui aussi il aura les problèmes chez lui. Il a des temps d'arranger. Donc si tu as ton problème, il ne sera pas se diviser. Mais la qui nous le mouton fasciote. Manquez tout le monde dans la vie. Batu bote wa kwati. Mais ne manquez pas ceci. Mais Mungu asikwachi. Ne le manquez pas. Ujikose Yesu. Mais nous na changa. Tu t'étonnes. Toi tu gardes l'église de ton père. Una chunga kanisa baba. Tu manques l'homme. Unakosa mutu. Oh, ce n'est pas l'homme de Kentucky. Aina mutu wa Kentucky. L'homme de Galilée. Lakini mutu wa Galilea. Le chilobo. Chilobo. Le mumanyi munene wa mvita. Ah, le mumanyi wa kale kale. Amen. Le Shaddai. Le Shaddai. Mungu wa mazimba. Le Dieu des saints. Kama sa kuchoka. Lorsque tu es fatigué. Et ce soir. Alléluia. Fatigué. Tu es venu ici fatigué. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristu. Rentre chez toi. Mujia kwa kongo. Mwenye kutia nguvu. Le Shaddai est ici. Le Shaddai est quoi pas. Le Chilobo. Muchilobo. Seigneur, ouais, et toi, tu n'as pas. C'est toi que nous sommes venus. Tu as dit. Attends, il n'a pas mon adresse. Merci, éternel, dans le problème. Tu ne m'abandonneras jamais. Il est là. Et quoi pas. Je n'ai jamais. Jiaonaka. Jamais vu. Jiaonaka, Kamu. Injuste. Moi, qui a Chiliwe. Choisis qu'on fasse un jal. Je peux pas mourir. Arrive Fanny. Qu'est-ce qu'il va faire? Jala bongo. La famine, non. Bongo. Non. Mental à la nage. Je peux passer nuit affamé, mais mourir affamé, jamais. Jamais. Kamwe. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Faut pas trop réfléchir. Moi ici, je suis venu accompagner les autres sur la terre ici, la souffrance. Tu as quelqu'un. Muntu. Il est là. Eko parle. C'est comme les disciples. Pas d'habitude dans ces barques. Dans leur barque là. Maïna quoi? En train de chanceler. Et là. Aba crié maman. Ils n'ont pas crié maman. Baba. Papa. Du maman. Parce que maman. Tu peux aller chez elle. Tu as papa naya. Tu l'as tout. Papa a déjà fait aussi les histoires à maman. Toi tu viens expliquer à maman. Maman votre gendre ici. Maman était ton père aussi. Ton père a fait, ton père a fait. Vous allez pleurer comme des bébés à la maternité. Compliqué. Mais notre Dieu, lui, toi tu vas avec les problèmes, lui il te trouve avec la solution. Et vous croisez. Problème, solution. Problème, solution. Mambo Djibou. Mambo Djibou. Mambo Djibou. Tu as vu les Munguetu. Ça c'est notre Dieu. Mes frères et sœurs de Cambo, soyez consolés. C'est la vérité. Nous avons un Dieu véritable. Il ne nous fait passer par des tests, mais il ne nous abandonne pas. C'est la vérité. Nous à l'école. On peut vous donner des textes. Et l'enseignant va prendre même le fouet. Il dit, toi tu as triché, toi tu as triché. Tu regardes à côté, pourquoi? Toi tu vas. Il est en train de vous surveiller. Et tu n'as pas le temps de tricher. Même si tu n'avais pas bien étudié, on te met même, on va mettre même repêchage. Rudiri Amo, tu l'as moulé examen de Chine. Tu vas repêcher, on va te repêcher. Lorsque tu fais le repêchage, et on te surveille encore. Je suis triché. Pour ne pas tricher encore. Non, au repêchage. Bunguang. Lui, quand même, vous pitié, lui, quand il te fait passer dans des tests, il te donne même là où tu es. Il dit, regarde Abraham. Je l'ai fait passer dans des tests. Il avait réussi. Allez, va tricher là-bas. Oh, c'est merveilleux. Oh, Niadabani. Tricher. Va tricher chez Abraham. C'est vrai. Niakwen. Alors tout petit chèque à mon maître. Il nous fait passer par des tests. Mais écoute-toi, tiens. Mais nous abandonner. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Attends, même si vous m'abandonnez, vous tous. Mais je ne resterai pas seul. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Oh, lisons encore quelque chose. Hein. C'est dans Jérémie. Hein. Oui, Jérémie. Écoutez, Jérémie 43. Jérémie 43. Jérémie 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Verset 1. 43. Faut qu'on appelle le frère. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il t'a créé. Oh, Église. Ici, on a dit Jacob. Celui qui t'a formé. Oh, épouse. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec. Si tu traverses de l'eau, c'est que tu vas traverser les eaux. Sur cette terre, Papa Dunia, il y a les hauts et les bas. Na kushuka bibara vizuri. Mais Mungu wetu, il n'est pas seulement les dieux de haut. Ana paka Mungu wa vizuri. Ou d'en bas. Wala wa biba, wa chini. Wala wa chini, hapana. Si tu traverses les hauts, huku napita bia juu. Il est avec toi. Eko na weye. Si passes les bas, chini, il est avec eko toi. Na weye. Dans chaque situation, Mambo yote, il ne t'abandonne. Yeye ashita kuacha. Problème, Mambo yako. Sois fidèle. We, garde la yako. Parole. Marche d'après sa parole. C'est ça. Nous troublons si à cause de la désobéissance. Kwa vous allez chez les prostituées, tu attrapes le sida et tu dis que Dieu t'a abandonné. Yeah. Il t'a envoyé chez les prostituées. Disons ici, nous retournons dans nos choses. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, Namito, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu. Et dans le feu, tu vas marcher. Si tu marches dans le feu, tu t'ébrûleras. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ah, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta Égypte, place. L'Éthiopie est sabbat à ta place. Sabana Egypte pas face yako. Pourquoi? Johnny. Parce que tu as du prix à mes yeux. Sabu weye uko na bei kwa macho yako. Parce que tu es honoré. Sabu unaheshimishwa. Et que moi là. Na mie. Je t'aime. Mina kupenda. Tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que na mina sema Mungu anakupenda? Sache que. Uyu akusema. Même si tu passes dans le feu. Ataka mnapita mu moto. Il est avec toi. Mungu uko na wewe. Mathèse, la souffrance, tu en auras. Ô frère, mon Christ, est-ce que tu frère, un chrétien ne marche pas bien. Tu marcheras à pied. Tu vas aussi pleurer. Et tu tomberas même malade. Mais malgré tout même ça, à table de biote, quoi chiliwa, apana. Hasta quoi tchakata. Il ne va jamais t'abandonner. Il est là. Eko pali. Tout près de toi. Il ne te lâche pas. Écoutez ce qu'il dit encore. Toujours dans Esaïe. Maintenant 49. Esaïe 49. 49. Esaïe 49, 14. Sion disait. Sion est tout touche Sion. Touche, allez-vous Sion. Kali disait. Kali Anzarusema. Patrick disait. Patrick Anzarusema. Paul disait. Marie disait, Charlène disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Il te pose la question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qui la lait? Anawezi kusabwa mtoto ule kuna nyonyesha. Ah, Mungu akubariki. Hapana ule alianza kula alinyonyesha. Hapana l'enfant qui la lait. L'enfant qui la lait. Posons la question, sœur. Ma sœur, est-ce que tu peux oublier l'enfant que tu allaites? Ma sœur, tu peux oublier? Non, hein? Toi, tu ne peux pas oublier l'enfant que tu allaites. L'enfant que tu allaites, et puis tu l'as, c'est vrai. Non. L'enfant que tu allaites actuellement, tu ne peux pas l'oublier. C'est la vérité. Donc, posez la question au maire. C'est de loin, l'enfant pleure. Mon enfant pleure là-bas. De loin, elle sent. Une mère. Mame. Maintenant, notre Dieu. Une femme. Oublie-t-elle l'enfant qui l'allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai. Quand elle l'oublierait, mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai point. Parce que je t'allaite encore. Je suis l'El Shaddai. El Shaddai. Je ne sais pas encore, c'est vrai. Et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas, c'est vrai. Nous t'étons toujours. Avec Dieu, nous oublier. C'est très compliqué. C'est pourquoi quand tu passes des dents des épreuves, oh putain, ma bipi mo, bien compliqué. Et ça te complique. Rappelle d'abord lui la croix. Dis-lui, Seigneur. Là, à la croix. C'est pour qui tu es monté à la croix. Maman. Elle peut réquiller, retrouver ses décisions. Elle peut se rappeler dans la douleur de l'enfance. Elle dit, j'ai maudit cet enfant, il n'aura jamais le bonheur. Mais quand il va se rappeler que cet enfant, j'avais convisé sur la table technique, cet enfant, j'avais souffert dans la grossesse. Et lorsqu'elle se rappelle la souffrance, elle te pardonne. C'est ce que notre Dieu fait. Dieu est la fauté, c'est vrai. Le pardon est encore là. Va lui rappeler la croix. Dis-lui là à la croix. Tu avais convulsé pour moi. Et s'il se rappelle de ça, il dira, même si vos péchés étaient rouges comme de la cramoisie, je les rendais plus blancs. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé. Église, vous êtes ici. Ça vous croit pas? Vous croyez qu'il ne peut pas nous abandonner? Ah ouais, c'est toi, tcha. Oh, le merveilleux. Ah ouais, Daman. L'ami fidèle. Ma rafiki moi-même. J'ai trouvé un Jésus l'ami. Mais n'a pas tant d'années à Yesu Rafiki. Moi, je crois yote yangu. Le plus beau d'entre eux. Yeli mure mbosana. Kati kati yavana. Matouefu, Jonathan. Yendo uwa ya mubonga. Yalisel, je trouve. Ma purification et ma guérison. Uponyaji wangu na usafi wangu. Appui dans les tourments. Tumaini katika mateso. Hanenita. Nimutumbie mauzuni yangu yote. Yote asubuhi. Uwa mubonde. Le plus beau. Nye njo murembo. Pour moi. Kati kati abantu elfu juu yangu. Il ne me quitte pas. Ate ni acha kamwe. Hawezi kunyachiria kamwe hapa. Wakati yote niko na imani. Na kufanya mapenzi yake. Ukuta ya moto kando kando yangu. Na hapa shongope kitu. Nafsi yangu ya njala ya kuna kula na mkono yake. Na teni yangu la utukufu yake. Tutaona uso yake yobarikiwa. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre eux. Alléluia! Amen. L'ami fidèle. Rafiki Mouema. La souffrance, savoir. La faim, savoir. Dio. Manque des habits, savoir. Dio. Manque d'argent, savoir. Dio. Mais abandonné, jamais. Retenez cela. Abandonné, jamais. Il ne me quittera jamais. Il ne me laissera, il ne me laissera pas ici. C'est la vérité. Oh, c'est merveilleux. Yadamani. Quand elle oublierai, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur ma main. Minesha, alléluia. Amen. Oh, balonji, c'est la vérité. Nous quoi? Vous croyez des histoires inutiles? Parce que tu n'as pas Dieu. Si tu as Dieu, tu as l'assurance. Akikisho. Qu'est-ce que tu vas craindre dans ce monde? Est-ce que c'est l'obscurité? Tu n'es pas resté seul. Tu as Dieu. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Même si la femme se rébelle à la maison, va au calvaire, dit Seigneur. Toi, tu as la puissance de transformer un mari qui se rébelle. Vas-y à la croix. Dieu, je viens réclamer mon mari que tu m'as donné. Retourne-moi mon mari. C'est la vérité. Notre Dieu, il va retourner ton mari. Frère, on m'a licencié, mon frère. Le travail ici, c'est à travers ce travail que j'ai nourri mes enfants. C'est à cause de ce travail. Tu mettais la dîme. Oui. Et tu donnes la dîme, c'est quoi? Écoutez, Chikia, qui a besoin d'emploi ici? Qui a besoin d'emploi? Qui a besoin de travail? Vous doutez pourquoi? Église Levon. Mais Dieu est ici. Mungwe quoi pas. Utaibata. Tu vas trouver l'emploi, le travail. Kamoku besoin la promotion. Tu as besoin d'être promis au travail. Dieu te donne la promotion. S'il vous plaît, Mushende Nimbali. N'allez pas loin. N'allez pas loin. Je dois. Prions brièvement, même trois mots. Dieu, au nom de Jésus-Christ, donne à nos frères et nos sœurs des travail, de bons travail qui va leur donner même le temps de venir prier. Prions. Prions. Tombe. Amen. Ah. Croyez seulement, tu es Mouamini. On a dit deux ou trois paroles. C'est mon biri ou à la tête. Écoutez, maman, il n'est pas question, on ne demande pas beaucoup de choses. Ni coordonnées. Donne à tel au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Ce n'est pas en multipliant tes paroles que Dieu va t'écouter. C'est ta voix que Dieu voit. C'est la vérité. Nous quoi? Je lisais. Bien ensemble. Voici. J'étais gravé sur mes mains. Des murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Dernière écriture. Dans le Nouveau Testament, mon gano Jipia. J'ai toujours aimé cette écriture. Vous pouvez lire ça même c'est dans 2 Corinthiens. Bon. Moi, Corinthiens. 2 Corinthiens. Moi, Corinthiens. Chapitre 4. Ine. 2 Corinthiens. Corinthiens. Chapitre 4. Écoutez. C'est Paul qui parle. Il parle lui-même. Nous sommes pressés de toute manière. Moi, liote tu quoi raka. Ah, pas na raka. Tu me yekusongwa. Aha. Moi, Lio, te trouve bien que songwa. Nous sommes pressés de toute manière. De toute manière. Mais non réduit à l'extrémité. La kini. Réduit mais à la kini, abatufikisha kumipaka. Ah! Dans la détresse. Mateso. Mais non dans le désespoir. La kini, aina mukukose, abatufikisha. Ah. Nous sommes pressés. Tu es à songwa. De toute manière. Mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Je peux être dans la détresse. Mais je garde encore l'espoir. Persécuté. Écoutez, c'est ce que je veux encore. Amen. Persécuté. Mais non à. La kine a tué à Chiliwa. L'église, vous n'êtes pas ici. Persécuté. Ben, mais soit. Non, non. Mais la kine a tué à Chiliwa. Nous ne sommes pas abandonnés. Mais si Dieu nous abandonne, il va nous laisser entre les mains de qui? Parce que il nous a mis entre ses mains. Maintenant, si il veut nous abandonner, il va nous abandonner entre les mains de qui? Vous choujourisez. Il va nous abandonner à Echeki. Il n'y a personne qui peut nous garder mieux que lui-même. Il n'existe pas. Il nous a sauvés. Il n'a pas envoyé Michael. Même Michael, Michael ne peut pas nous garder. Eh. Jésus, merci. Même Michael, Michael ne peut pas nous garder. C'est un ange puissant. Il peut nous garder. Il n'est pas digne. Devant. Il n'est pas digne de nous garder. Oh, bah, archanges, il y a des archanges puissants. Mais pour te garder, il a refusé. Toi, non. Ça, c'est mon problème. L'ange de l'Éternel campe autour campi, de ceux qui les craignent. Est-ce que ce soir, il y a ceux qui craignent l'Éternel ici? L'ange de l'Éternel campe autour de vous, même sans prière, même sans chaîne. C'est la vérité. Il ne fait confiance à personne. Mais comme un atouacha, si il nous abandonne, et les anges eux-mêmes, il a refusé de bah donner la responsabilité de nous garder. C'est lui-même qui descend. Il dit, Michael, ça, ça t'est pas ton problème. Moi-même, je les garde, mes enfants. Moi-même, je les garde. Maintenant, tu as quoi, c'est? Maintenant, qui t'abandonne? Il va t'abandonner avec qui? Il va te laisser entre les mains de qui? Il est avec nous, Nduku, mon frère. Tout t'amour pas. Qu'est-ce que nous allons donner à ces dieux? Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, abattus, non perdus. Mais la kina tu as apporté. Alléluia. Abattus, oui. Dio, tu es perdu, non. Porté à pan. Persécuté, oui. Teso, Dio. Abandonné, mais non. Pan. Atanyacha nanani. Il va me laisser chez ce qui? Soir, dis-lui. Il m'engaribou à bien seulement. Quand tu m'abandonnes, tu veux laisser avec ses problèmes. C'est entre les mains de qui tu veux m'abandonner? Ndilibe tsopeleka kamulungu wanga ndipeleka ndipeleka boyo wanga. Oh, ndilibe tsopeleka kamulungu wanga ndipeleka ndipeleka.